Genèse chapitre 42. Et Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il leur dit aussi, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte, descendez-y, et nous en achetez, afin que nous vivions, et que nous ne mourions point. » Alors dix frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais Jacob n'envoya point Benjamin, frère de Joseph, avec ses frères, car il disait, « Il faut prendre garde que quelque accident mortel ne lui arrive. » Ainsi les fils d'Israël allèrent en Égypte pour acheter du blé, avec ceux qui y allaient, car la famine était au pays de Chanaan. Or Joseph commandait dans le pays, et il faisait vendre le blé à tous les peuples de la terre. Les frères donc de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face en terre. Et Joseph ayant vu ses frères, les reconnut, mais il contrefit l'étranger avec eux, et il leur parla rudement, en leur disant, « D'où venez-vous ? » Et ils répondirent, « Du pays de Chanaan, pour acheter des vivres. » Joseph donc reconnut ses frères, mais eux ne le connurent point. Alors Joseph se souvint des songes qu'il avait songés d'eux, et leur dit, « Vous êtes des espions, vous êtes venus pour remarquer les lieux faibles du pays. » Et ils lui répondirent, « Non, mon seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous enfants d'un même homme, nous sommes gens de bien, tes serviteurs ne sont point des espions. » Et il leur dit, « Cela n'est pas, mais vous êtes venus pour remarquer les lieux faibles du pays. » Et ils répondirent, « Nous étions 12 frères, tes serviteurs, enfants d'un même homme, au pays de Chanaan, dont le plus petit est aujourd'hui avec notre père, et l'autre n'est plus. » Et Joseph leur dit, « C'est ce que je vous disais, que vous êtes des espions. Vous serez éprouvés par ce moyen, vit Pharaon, si vous sortez d'ici, que votre jeune frère ne soit venu ici. Envoyez-en un d'entre vous qui amène votre frère, mais vous serez prisonniers, et j'éprouverai si Véo, avait dit la vérité, autrement, vit Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les fit mettre tous ensemble en prison pour 3 jours. Et au 3e jour Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez, je crains Dieu, si vous êtes gens de bien, que l'un de vous qui êtes frère soit lié dans la prison où vous avez été renfermés, et allez-vous-en, et emportez du blé pour pourvoir à la disette de vos familles. Puis amenez-moi votre jeune frère, et vos paroles se trouveront véritables, et vous ne mourrez point. » Et ils firent ainsi. Et ils se disaient l'un à l'autre, « Vraiment nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point exaucée, c'est pour cela que cette angoisse nous est arrivée. » Et Ruban leur répondit, en disant, « Ne vous disais-je pas bien, ne commettez point ce péché contre l'enfant ? Et vous ne m'écoutâtes point, c'est pourquoi, voici, son sang vous est redemandé. » Et ils ne savaient pas que Joseph les entendit, parce qu'il leur parlait par un truchement. Et il se détourna d'auprès d'eux pour pleurer, puis étant retourné vers eux, il leur parla encore, et fit prendre d'entre eux Siméon, et le fit lier devant leurs yeux. Et Joseph commanda qu'on remplît leur sac de blé, et qu'on remît l'argent dans le sac de chacun d'eux, et qu'on leur donna de la provision pour leur chemin, et cela fut fait ainsi. Ils chargèrent donc leur blé sur leurs ânes, et s'en allèrent. Et l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne dans l'hôtellerie, et il vit son argent, et voilà, il était à l'ouverture de son sac. Et il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu, et en effet, le voici dans mon sac. » Et le cœur leur tressaillit, et ils furent saisis de peur, et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Et étant arrivés au pays de Chanaan, vers Jacob, leur père, ils lui racontèrent toutes les choses qui leur étaient arrivées, en disant, « L'homme qui commande dans le pays, nous a parlé rudement, et nous a pris pour des espions du pays. Mais nous lui ayons répondu, « Nous sommes gens de bien, nous ne sommes point des espions. Nous étions 12 frères, enfants de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, au pays de Chanaan. Et cet homme qui commande dans le pays, nous a dit, « Je connaîtrai à ceci que vous êtes gens de bien, laissez-moi l'un de vos frères, et prenez du blé pour vos familles contre la famine, et vous en allez. » Puis amenez-moi votre jeune frère, et je connaîtrai que vous n'êtes point des espions, mais des gens de bien, je vous rendrai votre frère, et vous trafiquerez au pays. Et il arriva que, comme il vida leur sac, voici, le paquet de l'argent de chacun était dans son sac, et ils virent, eux et leur père, les paquets de leur argent, et ils furent tout effrayés. Alors Jacob, leur père, leur dit, vous m'ayez privé d'enfant, Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. Toutes ces choses sont entre moi. Et Ruben parla à son père accent grave, R.E., et lui dit, fais mourir deux de mes fils si je ne te le ramène, donne-le-moi en charge, et je te le ramènerai. Et il répondit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et celui-ci est resté seul. Et quelque accident mortel, lui arriverait dans le chemin par où vous irez, et vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre,